émission rap de référence. Planet Rap. 20h-21h, ce soir, Niska, en direct sur Skyrock. En direct sur Skyrock avec Niska, notre invité, entre 20h et 21h. Le projet Charo Life, ça y est, on est à moins de 24h maintenant de la sortie de ce projet Charo Life. Il sort demain, ou alors cette nuit si vous avez précommandé l'album. Un moment cette nuit, si vous vous réveillez, il arrivera sur vos portables, sur vos tablettes, sur votre ordi, un petit peu partout. Le projet de Niska, Charo Life, qu'on va pouvoir continuer à découvrir ce soir aussi en direct entre 20h et 21h. Les images sont dispo aussi sur le skyrock.fm. Niska, ça va? Je vois que tu es en train de... Je suis en plein changement de tenue. Sap. On change d'état d'esprit aussi. Bon alors, on y est là, hein? On y est, on est à un jour. Même pas à quelques heures, ceux qui ont déjà précommandé là. Heures, hein, ouais, pour ceux qui l'ont précommandé à minuit, ils sont refaits. Ouais. Après, voilà, ceux qui vont aller chercher, il leur reste quelques heures aussi. Quoi, 8 heures, un truc comme ça. Et puis toi, demain, tu vas aller chercher aussi ton album? Bien sûr. Comme j'ai dit, je donne rendez-vous demain. Je donne rendez-vous demain. À 18h. 18h à l'Agora. À tous les charognards et les charonnes. Bon, et en toute tranquillité, parce que c'est vrai que la dernière fois que tu as fait ça au Havre, il y a eu une émeute. Non, mais on va gérer, c'est chez nous, ça, à domicile. Voilà, c'est à domicile, donc tranquille. Ça va être bonne ambiance, aller chercher l'album de Charo Life, le projet Charo Life, ouais, de Niska, qui sort dans quelques heures, qu'on va pouvoir découvrir encore ce soir avec des invités ce soir. J'ai l'impression qu'il y a une grosse équipe. Ouais. On est toujours là à donner de l'assez fort à nos proches. Et ce soir, donc, il y a dans les studios, tu as un groupe originaire de Grigny, Bangladesh. T'as Juicy P aussi, originaire de Grigny. Juicy P, ouais. T'as Hollywood, originaire de Grigny aussi. Et normalement, il y a XV Barbare, un guest qui doit arriver aussi. Donc toute l'équipe du 17ème, et qui t'as déjà posé, hein, t'as déjà fait... Ouais, j'ai déjà fait un morceau avec eux. Avec eux, ouais. Mmh. Ouais. Morceau qui a marqué aussi, celui-ci. Hein. Ouais, c'est ça, il faut faire des morceaux pour marquer, sinon ça sert à rien de les faire. Et puis Niska qui va bientôt aussi partir en tournée. Je sais qu'il y a aussi entre temps, il y a la tournée, puis il y a des showcases aussi en ce week-end. Je crois que t'es en showcase ouais, aussi. Ouais, je suis en showcase à Metz, attends, à Thionville, excuse-moi. À Thionville, samedi. Et après, on enchaîne la semaine prochaine, je crois, il y a le Palacio. Bon, j'ai pas toutes les dates en tête, mais tu vois. Voilà. Alors, on peut se renseigner sur les réseaux sociaux, ouais, vous suivez Niska, il vous dira les dates. Et les dates de concerts, par contre, ça, les concerts de Niska, on peut vous les filer, c'est le 27 octobre à Lyon, le 31 octobre à Bordeaux, le 4 novembre à Lille. Et le 5 novembre à la Cigale de Paris. Exactement, voilà. Donc voilà, je commence à acheter vos places. N'hésitez pas, venez nous voir. On va vous faire un show de malade avec tous les charros, la B, Trafic NT, Madran, Brigui, Rako, Scaochi. Tout le monde est dans la maison, mon frère. On s'en bat les couilles. Voilà. On attaque avec Ochoa. Vas-y, comme on n'a pas dit, on n'a pas expliqué Ochoa le nom de ce morceau. Ochoa, tu connais pas Ochoa? Vas-y. Ochoa, c'est un mafieux énervé. Mmh. Ochoa, c'est un mafieux énervé qui nous représente. On a l'état d'esprit comme lui, tu vois. Et comme c'est un morceau qui me tenait à cœur, et c'est un personnage que j'apprécie, on a fait un mix des deux. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça a donné Ochoa et ça a donné je sais pas combien de millions de vues sur YouTube, donc c'est que ça marche, frère. Et faut que ça un morceau où tu chantes aussi, chantonnes. Je chantonne, je sais pas chanter moi. Je fredonne. Tu fredonnes. Ouais, voilà. Et bon, on écoute tout de suite Ochoa sur Skyrock. Niska. Bye. Charo Life, c'est dans les bacs demain. La jalousie, c'est pour les faibles. Crois-moi, je te l'assure. Corrosif, hey. Les médias vont me censurer. Si aujourd'hui je prends le large, je dois éviter les barrages. C'est vrai que mon fils y prend de l'âge. Les jours y passent et je vois les lâches. Les jaloux me jugent, veulent savoir ce que je fais dans la tête. J'ai compris, j'ai plus le temps pour les faire de fesses. L'Afrique est en plaire, y'a mon plat qui m'appelle. Brazzaville, toi tu penses que ici ça bibi juste pour se vanter, hey. On n'est pas gangsters, nous charognards. Qui veut te planter, qui veut te plomber, hey. Ta vie tous les jours, bibi tous les jours, oh. Les mecs d'à côté font les fous, oh. Sont-ils jaloux qu'il y ait un four, bang, bang, bang. Mais où sont les vierges, que des agiteurs, que des agiteurs. Tanef, négro, Martin Luther. Si aujourd'hui je prends le large, je dois éviter les barrages. C'est vrai que mon fils y prend de l'âge. Les jours y passent et je vois les lâches. Commencez à prier, au cas où ça va tirer. Pour mes charrons écroués, envie des pépillères. les jeux des coupes. Tu veux le B9, tu la coupes. Nico, tu payes si tu touches. Ma bouche est ma meilleure cartouche. Des kilos de pilon, des kilos de Z là. Rimka aurait dû jeter par la fenêtre. Si tu veux percer, le monsieur m'a dit Corrosifu, ne fais pas la quenelle. J'encule le peuple, le monde entier. Mon meilleur ami, c'est mon banquier. Moteur allemand sous l'avant-pied. J'vais investir dans la repierre. J'fume ma Audi couche. J'compte mes liasses pendant sa Griselda dans la douche. Maman n'a pas le bac de lecture, pourtant elle sait lire les factures. J'remercie le ciel encore. Il reste des bons hommes comme Gradure. Mais où sont les frais de l'équipe encore? Si je pète le million, la cotine Mboka. Si aujourd'hui je prends le large, je dois éviter les barrages. C'est vrai que mon fils il prend de l'âge. Les jours y passent et je vois les lâches. Commencez à prier au cas où ça va tirer. Pour mes charrons et crouets, envie des peupliers. Quand je dors la nuit, je trouve les démons de mes ennemis. Il est minuit et demi et j'ai mal à la vie. Si aujourd'hui je prends le large, je dois éviter les barrages. C'est vrai que mon fils y prend de l'âge. Les jours y passent et je vois les lâches. Ochoa, vous le retrouvez dès demain dans les bacs, dans Charo Life. Ça sort demain, ça y est, c'est sorti le 2 octobre. Ouais, le 2 octobre. Ce projet attendu, ce projet sur lequel tu as bossé dur. Ouais. Eh, Fred, oui. Tu vois, là, j'ai une petite annonce à faire, tu vois, pour toute la team Charo. J'organise un gros concours, tu vois. Et en fait, ce sera quoi le principe du concours? Que tous les fans de la team Charo, celui qui fait une photo avec le plus d'albums de CD Charo ouvert, hein, parce qu'on connaît les mythos qui travaillent maintenant, ah oui, qui vont prendre les cartons. Ouais. Ouvert. Il envoie sa photo, je vais communiquer un mail sur mes réseaux. Il envoie sa photo sur le mail. À la fin du concours, celui qui aura envoyé la photo avec le plus de CD, il remportera le droit de pouvoir venir avec moi en Thaïlande. Et pourquoi pas, pas tourner un clip là-bas. Et plus il y aura de CD, plus on va se renchérir. Parce qu'on s'en fout, on n'a pas froid aux yeux, nous. Tu vois ce que je veux dire? Dès demain. Voilà. Vous foncez. Dès demain, le 2 octobre, le concours il est lancé. N'hésitez pas. Je communique le mail. Sur Niska officiel, hein, c'est ça? Sur Niska officiel, sur Instagram, sur tous mes réseaux sociaux, il y aura le mail. Envoyez vos photos, n'hésitez pas. Et vous inquiétez pas, il n'y a pas de triche. Hein. Ce ne sera pas un titre de ma cité qui va être pris. Ils n'ont pas le droit de jouer. Ah oui, c'est les règlements de jeu. Voilà, ils n'ont pas le droit de jouer. Tout, de mettre, comment ils s'appellent déjà, maître ton avocat. Maître Simonard. Maître Simonard, voilà. Donc tous mes proches n'ont pas le droit de jouer. Ok, donc voilà, donc c'est parti, le concours est... Et donc alors, il faut qu'il soit ouvert, hein. Il ne faut pas qu'il soit cellophané. Ouais, il faut qu'il soit ouvert. Une fois qu'ils sont ouverts, c'est bon, tu m'envoies la photo. Et voilà, le gagnant, il vient avec moi en Thaïlande. Au beurre. Et au beurre, il ramène 0€ sur lui. 0€, il prend rien sur lui. Il prend même pas de valise. Thaïlande, t'as été déjà toi ou pas? Non, moi aussi, c'est la première fois. On va découvrir ensemble, en amoureux. Tu vois ce que je veux dire. Vous aurez des distractions, je pense, sur place. Voilà. Oh, Fred. Allez se baigner, la plage. La plage. Ah ouais, Fred. Attends. Ah ouais. Mais j'ai pensé qu'à ça, j'ai pensé que ce côté détente, la plage, non, tranquille. La gare par web, petit côté détente, voilà. Les matchs aussi, si vous allez à Bangkok, il y a des matchs de boxe qui sont absolument incroyables. Il y a tout en Thaïlande, j'ai été informé, il y a tout en Thaïlande. Donc voilà. Bon. Le concours sera lancé à partir de demain. Donc vous savez. Ah regarde, il y a Joshua qui dit moi j'y vais vider mon compte en bancaire demain. Ah ouais, ton compte bancaire, n'hésite pas mon frère. T'inquiète même pas, tu vois. Si tu gagnes, tu viens avec moi. Voilà. Eh ben allez-y, dès demain, vous prenez un maximum de sons, de CD, d'albums. Ça marche pas donc pour les téléchargements, hein. On peut pas télécharger plusieurs fois. Télécharger, je vois pas après comment tu m'envoies. C'est compliqué. Non, c'est avec le CD physique. C'est juste avec le CD physique. Voilà, et le concours, j'ai oublié de préciser, il est sur une semaine. Donc. Donc dès demain samedi, jusqu'à vendredi prochain. Ouais, on va dire jusqu'à samedi 10 octobre, je ferme le concours. Okay. Voilà. Fermeture du concours le 10 octobre. Voilà. Et dès demain, vous courez un peu partout dans les magasins pour retrouver Charo Life. Exactement. On va passer un morceau maintenant, Niska. Ouais, on passe le morceau de la famille de la grande bande qui sont venus ici présents, Bangladesh. Je vais les laisser dire deux mots, tu vois, pour se présenter, parce que j'aime pas présenter les gens à leur place. Et puis voilà, on est ensemble, mon frère. Vas-y, venez les frères, on est ensemble. Allez, Bangladesh, un morceau qu'on va découvrir dans un instant sur Skyrock. Qui nous dit un mot pour Bangladesh? Le morceau, je crois que c'est Farfelu, hein, c'est ça, il s'appelle Farfelu le morceau. Farfelu. Alors un petit mot, un petit CV express sur Bangladesh. Attends, Despi, il s'installe. Ah, ça y va tranquille, hein? Ouais, ça y va doucement. Ouais, ça y va tout doucement. On n'est pas pressé, on est à quelques heures de Charo Life. Messieurs, ça va bien? Ça va en forme? Qui nous dit un mot sur Bangladesh? Bangladesh, c'est un groupe de la Grande Borne. Je connais ça. Pas vraiment un groupe, c'est un collectif. Un collectif? On essaie dedans. Ça arrive. Et le morceau qu'on va écouter, il est déjà dispo, on peut le trouver. Il va bientôt sortir là, bientôt. Donc ça s'appelle Farfelu, c'est ça? Ouais, Farfelu. Et bon, on le découvre maintenant sur Skyrock. Ouais. Bangladesh, Farfelu. BTJ. Je ferai. Kiss. Ouais. Ratata toujours dans les sales pépins. Il veut faire le gros cisse, mais on va se le faire. Travail, ça régale tout, carte grise, élitron de BR. Travail, trop d'ennemis sur ma PC, c'est faire. Non, chaque année, tu comptes pas me laisser faire. PLTM, on est plus que c'est faire. Voilà, des sandales, on a ratata. Si je prends la choc, il fait ouf, on le fume. Je vais chez mon gars, chercher le globe. On va les quebras à la pleine lune. T'as goulé les gants dans une berline allemande. Faut qu'on vous bat parce qu'on n'a pas trop le temps. Petite mimique, faut faire ça brutalement. Si il nous remonte, je te jure, on est mort. Tous fils de pute, faut bien le mettre d'accord. Ramène le deux coups, mon gangster. Va danser comme vous, on est que 7. Péché capitaux comme dans ta tombe, tu vas finir chez Goulet. Passer sa face, sinon on va te faire. Avec la violence, on engraine nos frères. Sur la table, un BTG sur le terre-terre. Non, je veux pas brûler en enfer. On est sur le rinté, ça bipique la perte. Parle un peu du sardé, je fais tout dans les règles. Tout dans les règles, je te la mets dans le cave, même si t'as tes règles. On est sur le rinté, ça bipique la perte. J'suis toujours dans des plans farfelu, mon négro. Négro des négros. C'est pas de ma faute, mais je pense que c'est celle de mon négro. Mon négro des négros. Ça me tombe dessus comme les belles sur les fagots. J'ai réellement aimé les galères, ma vie dans le bureau. Ma PLTM est sous adrénaline. Faut garder la mine, cagouler, galacher, prêt à tout arracher. Dans la cabine, dans la cabine. Toujours dans des plans farfelu, mon négro. Mon négro des négros, c'est pas ton faute, mais je pense que c'est celle de mon négro. Voilà. C'est tous pour un, dans ma team, pas de blaire. Un pour tous, voilà. Ça sommera pour un frangin. Passe pas quatre chemins, serre les poings. J'enlève les juice et on part à sa trousse. Quand chargé, ça peut fera à la tepant. Obligé de gagner, ça sent colibé. J'ai déterminé, on y va, peu importe le trajet. Toujours dans les sales stories. J'engraine la haine comme Adolf Hitler. J'en fais mal au but comme une chaîne taurine. Regarde, je le vois direct, j'ai baisé leur mère. J'ai LDM, on va pas se laisser faire. Car la dernière bouche à calor. Un peu comme un calvaire, si je te raconte nos griffes et un documentaire. Ta tête sous mes choux, on vous baise même si vous êtes doux. Ta tête sous mes choux, on vous baise même si vous êtes plus que doux. Je décale, tiens vous les pompés à l'arrière d'une BMW. Tu dois des bongos, on va trop faire un pick-up. Prends dans le genre de story qu'il faut péter des câbles. Tu m'as pillé, on est trop énervé, car c'est toi la jungle qu'on est élevé. T'as qu'à savoir, on se rue Bangladesh. Nous laisse pas la chance d'allumer la mèche. Tu m'as pillé, on est trop énervé, car c'est toi la jungle qu'on est élevé. Ouais. Je suis toujours dans des plans farfelus, mon négro. Bangla. C'est pas ma faute, mais je pense que c'est celle de mon négro. Bangla. Ça me tombe dessus comme les pères sur les fagots. Bangla. J'ai demandé mes légales, ma vie dans la pléro. Ma BLDM est sous adrénaline. Faut garder la mine, cagouler, calacher, prêt à tout arracher. Toi la cabine, voilà. Je suis toujours dans des plans farfelus, mon négro. Voilà. C'est pas ma faute, mais je pense que c'est celle de mon négro. Bangladesh à l'instant sur Skyrock. Voilà. Invité par Niska. Bien sûr. Dans le planète rap entre 20h21. Voilà. Voilà, ils sont là, Bangladesh, groupe originaire de la Grande Borne. Ils sont avec moi ce soir sur Skyrock. Et il y aura donc du live dans quelques minutes. Ouais, dans quelques minutes, on va freestyler. Passer un autre morceau aussi, Niska. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu peux m'envoyer le morceau de Lee Wood, s'il te plaît? Lee Wood? Ouais, je l'ai vu dans le studio. Attends, j'ai une grosse annonce à faire là. Ah. Parce que là, il y a mes frérots qui sont arrivés. Mes frérots de Paname, XV Barbare qui sont dans le studio ce soir. Ils sont arrivés, ils sont là. Là, je les ai vus, je sais même pas, ils sont cachés où là. Le XV Barbare qui est là, qui est dans le XV Barbare, ils sont là. Bah voilà, l'équipe, ça va bien, le XV Barbare en forme. Voilà. Tout roule. Okay. Eh bah bienvenue au XV Barbare qu'on retrouvera aussi en live. Ouais, on va les retrouver en live avec moi. Et Niska, j'ai une petite surprise aussi pour toi. Ouais. Faut que tu dises allô. Allô. Allô. Allô. Tu normalement tu reconnais au rire direct. Gradure. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, tu dis quoi mon gars? Ça va ou quoi mon gars? Ouais, au ça calme. Va au calme, tranquille. Ça va bien Gradure. En léger, on donne un support. Ouais. Eh ben bienvenue. Tu vois ou pas? Ouais, chérie, t'es pas là là, t'es au state là, c'est ça? Pas venir. Ouais, au state. Ouais, ouais. ouais. Mais tu voulais quand même participer à ce Planet Rap de Niska. Ouais, obligé, c'est le frérot. Ah, il va nous faire un freestyle. Par téléphone. Freestyle par téléphone en léger. Par téléphone. C'est le freestyle par téléphone en léger. Jamais. Non, c'est juste pour passer le salam, tu vois. Pas. Non, normal, on est ensemble. C'est le frérot, dire que je suis chien au max. Ouais, et dès que ça va sortir, on va acheter même 10 CD. Inch'Allah. Tu as entendu le concours Gradure ou pas que fait Niska? Non, non, il a pas le droit de jouer. Ah, il peut pas participer. Non, il a pas le droit de jouer. Ah, tu peux pas participer, Gradure, désolé. Ah, t'as pas le droit de jouer, toi. En fait. C'est quoi le concours? C'est lui qui m'envoie la photo avec le plus d'albums de CD Charo Life ouvert et gagne un voyage avec moi en Thaïlande. Tu viens? C'est vrai? Ouais, tu viens. Tu viens ou pas? Comme ça se renchérit le concours. Dis que tu seras là. Moi je viens. Ah, c'est voilà. Bah voilà. Avec Niska et Gradure, voilà. Avec Niska et Gradure. Le concours a pas commencé qu'on se renchérit déjà. Allez, c'est parti. Voilà. Non, regarde, je vais donner à mon petit frère alors. Voilà, il est capable comme ça, il va là avec voilà, toi. Comme ça, il ira avec moi. Voilà. Ah, ça essaye déjà, ça essaye. Ouais. En léger, en tout cas, grosse force à toi, mon frère. On est ensemble. Ça bouge même pas, tu vois. Deux, bientôt dans les bacs. Ouais, voilà. Il nous a dit entre novembre et janvier, hein, Gradure. Ça a pas changé, Gradure. Ouais, voilà, entre novembre et janvier. Et bon, on suivra ça. Bah, merci d'avoir été là avec nous. Je sais que c'est un mec qui donne beaucoup de force à chaque fois, Gradure, et ça fait plaisir. Ouais, ça, c'est le frérot, c'est même pas pareil. C'est le frérot. Donc, ça bouge pas. Vas-y. Donc voilà mon frérot, Niska nique tout, Inch'Allah nique tout, et nous on soutient au max, je t'ai dit, on va acheter 15 CD même ce qu'il faut. Vas-y, on calme tout, passe le salam où il veut, tout le monde et tout, vas-y, dans la maison, etc. Vas-y, et bah, va à très très vite, Gradure. Vas-y, à bientôt. Merci mon frérot. Merci à toi à l'instant, Gradure, voilà. Bah, quelqu'un que tu cites, quelqu'un que tu connais aussi évidemment bien quand on parle de fraternité dans le rap, en tout cas c'est vrai qu'il met souvent des photos de gens qui sortent des albums. Ça va être à mon avis ton cas aussi quand ça va sortir demain. 15 t'as dit. Ouais, 15, donc on va voir. Vous pouvez mieux faire, allez-y. Par contre le truc qui m'inquiète c'est que je vois plein de gens qui disent moi je vais aller à ma banque pour faire des crédits pour choper. Pour choper un maximum de Charo Live. Bon bah en tout cas si vous voulez partir en Thaïlande, c'est ce qu'il vous reste à faire dès demain. Un morceau donc tu m'avais dit un morceau. Ouais, Hollywood. Hollywood, il s'appelle ce morceau. Ouais, c'est Hollywood, c'est l'artiste. Mais ouais, je sais, mais le titre. T'as pas le titre. Est-ce qu'on connaît Hollywood, t'as le titre, Hollywood. C'est lequel qu'on va jouer ce soir? Ouais, c'est mon gars. Ouais, c'est mon gars. Ça, c'est mon gars. Ça, c'est mon gars. Un morceau qu'on découvre maintenant sur Skyrock avec Niska avant de passer au live de Planet Rap dans quelques minutes. Ouais. C'est le feu dans le studio. On est là, mon frère. On est là. Ça c'est mon gars, ça c'est mon gars. Dans toute sa splendeur, beaucoup du game. Ça c'est mon gars, ça c'est mon gars. Ça c'est mon gars, ça c'est mon gars. Ça pas, pas, pas. Regarde hostile et l'atmosphère, non ça ment pas. Non ça ment pas. Wesh mon gars va, wesh mon gars va. Comment ça va, amnésia, j'ai nourrice. Bien écoulé, bon débat. Pour ceux qui qui cuisine mieux que Maïté. Mon gars, la cause est de l'eau, même pas potable. On refait pas le monde avec un compas. Y, Greg, Oud, Beta. Ça c'est mon gars, ça c'est mon gars. Dans toute sa splendeur, beaucoup du game. Ça c'est mon gars, ça c'est mon gars. Ça c'est mon gars. T'entends pas. Regarde, hostile et l'atmosphère, non ça m'en pas. Non ça m'en pas. Wesh mon gars va, wesh mon gars va. Comment ça va, à mon sœur, j'ai la nourrice. Rien écoulé, bon débat. Ça c'est mon gars à l'instant qu'on écoutait à l'instant. Waouh, quel morceau de ouf ce soir sur Skyrock. Qui nous dit un mot d'ailleurs pour C'est lui-même, il va parler, il va se présenter, le frérot Lili. Moi c'est Loud, rappeur de Grigny 91, membre du Beta Clan, avec Don Jega, Mosda, Piver, et via Master Labo aussi. Après voilà. On est venu donner la sophore à Niska. Charo lave le docteur. Voilà. C'est la famille. Et vous sortez des choses, il y a des choses qu'on peut retrouver aussi pareil sur ouais. Beta sur la chaîne Negro Jeep. Facebook, Lioud officiel. Et Lioud Beta Twitter. Et Lioud Beta Instagram. Et j'ai un clip qui est sorti aussi, Beta, sur la chaîne Negro Jeep. Voilà, il est disponible sur la chaîne Negro Jeep. Lioud. Lioud Beta. Et le prochain clip aussi va sortir bientôt. Donc ça arrive bientôt, il faut guetter. Sur la chaîne Negro Jeep aussi. Et dans un instant aussi, il y aura du live avec tout le monde, Niska. Ouais, il y a un gros freestyle qu'on va faire juste après la pub, on va attaquer direct. Non, on n'attaque pas direct, on balance encore un morceau. Ah, encore un morceau ? Ouais, avec ses Cardiaque Chirac. Ah oui, ils sont là. Avec Barbare aussi. On se doit. Et bon, on le balancera dans un instant juste après la pub et après on attaque le live. Je sais pas. 20h21h, Planet Rap, Niska sur Skyrock. Entre 20h et 21h, on va passer au live dans un instant. Les messages avec le hashtag Niska sur Skyrock. Et on avait dit, on y va, on balance le morceau avec Isvé Barbare. Exactement. DJ Mike One, t'es prêt ou quoi? Mike One, toujours comme jamais. Et tu veux. Je vais juste passer une spéciale dédicace parce qu'il kiffe grave ce son-là à tous les gens qui sont du côté de Fleury, de Mo, Shaggy, Sauvage, tout ça. Tous mes gars du 91 emprisonnés. T'inquiète, on pense à vous. On y va. Allez, le morceau maintenant. Quand tu veux, Mike. Are you ready? Ouais. Cardiaque Chirac. Jeune Renoir Sauvage. Ben de la bende. Elles sont juste plein de nous sauvages. Ben de la bende. Le canon vend de mon pénis. Vend de mon pénis. Le vendredi, je suis en crème. Ah oui. J'suis dans le bloc avec mes négros. Avec mes négros. On va pas faire de détails, viens on parle en gros. Viens on parle en gros. Pas mon amigo qui passe à amigo. Et ça, je laisse. Charlie Delta, c'est Chicago. T'as la L'État, on vole ta caisse, Cardiaque Chirac. Mon fusil à couche, tout va le Congo le sauvage. Bendo. J'ai un flot de baiser, c'est mon côté, Nafoman. J'aime les mailles, mon côté, Nafoman. C'est Black Day, oh mec, j'ai le pas de make-up. J'suis sur le raté, c'est sûr que j'suis le buteur. La substance que j'terfile, les films, c'est la meilleure. C'est comme Michael Jackson, moi je suis dans un thriller. Je coupe la brique en Madrid. Silence et je fais pas de bruit. Sa bille grave même sous la pluie. C'est pas d'un ou pas de preuve à la pluie. La pièce que je peux faire dans une baraque. C'est sûr que c'est la zine cuit. Tu t'es perdu dans mon triangle. Mon gars va ouais t'es mort t'es cuit. La siroc j'irai arrive dans mon estomac. Ça brûle. Là c'est bon je suis prêt j'y fais. Mon gars va bêter fait le but. C'est ça la me harde la nettoie avec du papier cul. Comme on se retrouve bitches. Vas-y baisse moi ton j'ai vu la journée posée sur le raté, il me faut des lovers. Zanotti, loup, putain, Gucci, oh comme j'suis posé. Zigini, posé. Peupon, 9 et 1000, t'as plus qu'à crever. T'as rien dépensé. Ramène des Jaga, des Hanna Montana, oh comme j'suis posé. IG, Baba, Negro, G. Cardiaque Chirac, l'état forfait en tissu. Cardiaque Chirac, dès le matin, 2-3 losbo qui m'attendent. Appel en jazz et les parents latins. Rien à foutre, je atteint. Toujours être sur la pointe avec quelques catins. 17 kills coffrés sous le sapin. Je baisse qui ça, c'est mon place d'hiver. Jauge Bourbier, H31 dans le soir. Bien trop charron pour avoir le salaire d'un buteur. Y'a le blanc dans la part. Libérez les winnegers. Fumas gang, fumas ça envoie la ouais. T'as c'est plein un peu, t'as niqué ton bénéf. Moi je passe la beuh, toi tu tapes dans la haine. Chris de Barbara et Ganis, en concurrence t'es déjà au courant. Plus d'un négro est averti, je vais tourner le business, tout est dans le mouvement. Messager, messager, messager. Là je fous la recou et la gîte. Tu t'es fait des sons, tu sais même pas qui. Y'a de la repu, du que cra du paquet. Bang bang, bang. Ça se débouche, ça décharge à détail. Pas besoin de plus de détails. Pouka, une bécane, une cagoule, une mea. On est paré pour des fourrailles. Ferme ta gueule devant la flicaille. Hugo faut qu'on maille. Les euros, les dollars, les livres. Hugo faut qu'on maille. Le pilon, la cesse, la win. Hugo faut qu'on maille. J'ai charron dans la zone pour mettre encore des valiques et ta grand-mère. Je veux péter le bénéf, le bénéf. C'est tant de billets verts. C'est tant de billets verts. De quoi arroser le père et la mère et daron et daron. J'ai braqué, j'ai volé, j'ai dealé. Tout puissant pardonne mes péchés. De temps en temps, je me mets à prier. Je ne veux pas brûler. Ah oui, oui, ah oui, oui. Madrane, c'est faire la bagarre. Ah oui, oui, ah oui, oui. Madrane, vestit le placard. Ça fait plus la journée, posé sur radé. Il faut délover. Un autre loup pour ta Gucci, en cas je suis posé. Clopon, 9000, t'as pas pris ta crevée. Ramène des Tiaga, des Anna Montana, aucun du posé. Tout le monde, il sait, Baba, Negro, dit. Kardaku, Chirac, Kardaku, Chirac, déclare forfait, anticipe. Kardaku, Chirac. Ramène des Tiaga, des Anna Montana, aucun j'y pose. Ils se mettent Baba, Negro, Jim. Kardaku, Chirac, Kardaku, Chirac. Déclare forfait, anticipe. Kardaku, Chirac. Kardaku, Chirac, Kardaku, Chirac. Kardaku, Chirac, Kardaku, Chirac. Kardaku, Chirac, Chirac, Chirac. Aïe, aïe, aïe, c'est X le barbare dans le studio, bande d'enfoiré. Je me sais comment, mon gars. Ouais, puis passé comment mon gars. Ville de fer, ouais, Masse passé comment mon gars. Niska, X fait barbare sur Skyrock. Et comme j'ai l'impression que tout le monde est chaud, on va attaquer le live maintenant juste avant 11 décembre. Inch'Allah. 11 décembre ça arrive pour X fait barbare. Et la roulette qui va tourner, inscription dès maintenant 41759. On est la roulette dans un instant. BETA le live aujourd'hui. De quoi? On repousse le live un peu là, il y a un autre morceau que j'ai envie que soit joué. Alors vas-y, mais on aura très peu de temps pour le live alors. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu veux quel morceau? Juicy P. Juicy P, ouais, il studio, Juicy P il qui est là, qui doit être dans le coin, je l'ai vu passer aussi. Ouais, il est là, il faut dire qu'il y a énormément de monde. Ah bah le voilà, Juicy P, ça va bien? De frais. En forme? Dédicace à Masco. On est dans la maison, tu connais, on est dans la force, c'est 91, toute la force, mon frère, toute la grosse famille, mon frère. C'est la première fois qu'un vrai gars de la rue chez nous, il arrive à ce niveau-là, donc t'as vu, on est tous avec lui, mon frère. Charol. On met quel morceau de JCP de. On met quoi, un extrait de ton dernier projet? Qu'est-ce qu'on met comme morceau? Là t'as vu, j'ai fait un nouveau morceau, t'as vu, c'est le prochain truc qui va arriver, il s'appelle On va pas se battre. Tu vois ce je veux dire? Donc t'as vu, c'est ça qu'on va faire péter là tout de suite là. Eh bah c'est bon, maintenant on le met et puis après on attaquera le live. JCP. Juicy, juicy, juicy, juicy P. Charo Live le 2 octobre, venez back demain, allez chercher. Voilà. On va pas se battre, non. Pas se battre. Je suis déter dans mes yeux, j'entends leur cœur battre. Très vrai. On va pas se battre. Musco. On va pas se battre. Non. J'ai à peine senti le pétard, je les vois à rebattre. C'est des simples lézards, moi je suis dragon de Komodo. Fuck le kimono, armé comme dans Commando. Jon Snow, négro Lord, commandant. Sur le terrain prodigieux, épatant. Si y'a Haja, coup de bigot. Pas des licos, pas de mémés, sicaires. Arriveront et Nico presto. Presto. C'est Neo Music Gang. Le kick et le P. T'inquiète pas de ces bouffons, je suis du fond du bas-fond, cherche les fonds par tous les plafonds. 80 e on, la coque sous les couilles et dans la chaussette le bout de pilon. Vrai négro du hood, Kinshasa, Libreville, Franceville, mes négros tiennent le coup. Après Dieu on s'en remet au gun, d'où je viens quand t'es chanceux, t'attises la jalousie et le seum. Et crois-moi que mes mogos sont avec moi, paré pour la reggae. Ça partira en coup pour un putain de regard. Bélec, Bélec, à qui tu chasses tes histoires. Greeny ghetto, greeny ma fille. On va pas se battre, on va pas se battre. On va pas se battre, mogos, on va pas se battre. De loin je préfère leur tirer dessus. De loin je préfère leur tirer dessus. On va pas se battre. Quelle ambiance! Si vous avez les images, allez mater ça tout de suite hein, sur le Skyrock FM, sur l'application Skyrock. C'était Juicy P, Juicy P à l'instant sur Skyrock. Voilà, les grands refrains de la Neuzo. Juicy P, on va pas se battre. Le morceau qui arrive, voilà. C'est ça bientôt? Bien sûr, bientôt le clip réalisé par Cédric Caïda, ça va être terrible. Voilà! Est-ce que maintenant c'est bon, on repousse plus, on y va? Non, c'est bon, on y va. Allez, on y va, c'est voilà. Sur live, Mike One est au platine. Yes! PTA! C'est le freestyle dans l'émission dans Planète Rap. Maes Doumouni sur K. Oh là là. Bon César, bon Faya. Eh les gars. On va faire oh là là ou quoi? Akaria, bon bam. Oh là là. Let's go. Le 4S. Non, PTA, la bande à Yuno, on a pété la grave, on qu'elle était là. Très menaçant, il me manque un boulot, mais j'ai gamme d'a, dis ça le boulot. Coupe les balles, Tony Lardo, le mago du cash en effet. T'es le Sami, Igo du sale en effet. Une vie de chacal, c'est lui qui nous veut. On veut le mani et l'immortaliser. C'est nous contre eux, on va les souiller, les brutaliser. On va les mêler, sans détour mon négro, sans tergiverser. La méthode est grosse, c'est le clan, il est deep. Mais là, ils sont mauvais, il suffit d'en faire. Pour t'envoyer balles, c'est la bande à Yuno. C'est réuni au 4, je suis fidèle au poste, fidèle. Castro, on assume nos faits, on assume. Nos gestes, on a vendu du feu, vendu la cesse. Casser des gueules, on apporte nos couilles. Casser les gueules, on apporte nos couilles. Niquer les seuls pour le nerf du steak. Casser des fiels, changer les vestes. J'ai pas changé les vestes, j'ai pas changé d'équipe. Donne Jega. Clan BTA. Oh là là. Ouais. Oh là là. Okay, oh là là. Oh là là. Vas-y. Oh là là. Oh là là. Ils ont pété le matos du matos au parking du bento dans le gamos des gamos. Trafic de sucre dans les locaux du check. Prends ta galette comme au tacos. Numéro 10 comme Diego Armando. Dorénavant vis de bingo. Panaboka bazo Bukamu Congo. Panapoto bazo Bita Nintendo. Negro, bendo ka bendo. On veut des euros Ramène les lingots de Roro. Numéro uno des uno. Toi même tu le sais. C'est difficile. Le fessier est cambré. Oh là là. Ça réveille mes démons. Oh là là. Il faut que je la démonte. Oh là là. Un mauvais comportement. Oh là là. Des gros volets des OG. Negro, je fume ma OG. À mes soldats seront conduits. Je vais les buter, je te le dis. Je te le redis. Je me suis fait sans faire le vendu. Comportement. Et quand tu nous vois, faut t'applaudir. Big money on my mind. Big money on my mind. Big money on my mind. Big money on my mind. Big money on my mind. Big money on my mind. Big money on my mind. Bon, vas-y. Ah. Hey. Scouty. Boum, boum, boum. Ok. 4S, LP. Banks. Ouais. Cartel. Chebel. Meiji. Mascos. Wake up, fire. Ouais, ma nigga. Raoni. Charolive, le top. Charola. On aime bien les passes pour t'amener, gros. On te la haute couture. Ok. Yeah. Charolive, le top. Charolive, le top. Charolive, le top. Charolive, le top. On aime bien les passes pour t'amener, gros. On te la haute couture. H, pour la ceinture. H, H, H, derrière la ceinture. Y'a que ce H-Fun 4 dans le bloc. Qui dit me que ton prof te mate. Combien y'a de hashish dans le bloc? Michael Kors, si tu nous prends la main dans le sac. Dans le sac, dans le sac. J'ai plus trop le temps, j'écris mes textes dans des temps sac. Dans des temps sac. Comme la pharmacie, le boulanger, le dealer est Anne. Le dealer est Anne. J'fais du blé, j'ai rajouté du lait sans mes céréales. Bye bye bye. Hein? J'étais sous le Porsche, j'ai mes sous le Porsche. Faire un location du 911. J'étais sous le Porsche, j'ai mes sous le Porsche. Tu veux qu'on s'arrange, mais ce qui m'arrange, c'est que tu payes en liquide. Tu payes en liquide. Tu touches, tu casses, tu payes en liquide. Tu payes en liquide. Balance une note. Non, remets le top. J'enlève le top. J'enlève le top. Top. J'enlève le top. Top. Allez, fais chaud. J'enlève le top. On va bang. Allez, laissez la même. Oh, man. DJ Mike, quoi, une autre, une autre. DJ Mike, quoi. Ouais. Les hommes font acte avec sévérité. La rue est belle, la rue à mon chien. De la Guedron, édition limitée. On veut Madonna, comme voyant clé. Mais Buzz m'a dit que c'est de qualité. De qualité, de globalité. En deux, ma sans peur de carité. Tu n'as pas idée. Les pétasses qu'on pèse avec facilité. Avec facilité. Qualité. Et Anna dans un bocal de sky. Dans la neige, je suis à la cité. J'ai saigné les halls viscères par la locale. Malgré ma demeure, je suis dans le bateau avec mes pirates. Dans le game, mais dans le boule à Nicki Minaj. Mais je suis pas ton frère. Ton discours, tu te remballes. J'ai le VV, sorti d'un conteneur. Qui le pilote, c'est le chétan. Casa mon jeep, bois, ma drogue trafiquée. Pas la mamie, on va même pas plaisanter. Sur mon pic à la clim, là on m'a dit qu'on va tout démonter. C'est pour Clopsy, on va les monter. Remets celle-là, DJ Mike One. Carré, mon gars. Ouais. Ok. Babang, bang, Charo, live le 2 octobre. T'entends ou pas? Négro Jeep, on est là. Certifié par les vrais. Tout le monde, Pétaclan. Bangladesh. Bangla. C'est parti. Charo, live. Ok. Bang. Wesh. Wesh. Qui veut tester qu'on le baise? Négro, je le pose dans le bang. Fais tourner les bitches, tu check. Yes. Dans le par ici, j'encaisse. Yes. J'aime trop l'odeur de la fraîche. Par les hippies dans la caisse. Yes. Où ton stress? Ce S dans la caisse. Yes. Ma chérie n'est pas le stress. Y'a un jacquard dans tes fesses. Attendez, les gars, il y a un petit frère qui est avec nous dans la maison, on va le laisser kicker un peu. Montrer de quoi il est capable. Vas-y Denzo. Bengla. Ouais, Shibas Gang. Bengla. Ouais, Bengla. Bengla. 3GC. Ici, fais pas le Jackie. Casquette baissée, jogging, Billy, mes textes, pick up du Billy. On les voit, ils défilent. On les voit, ils défilent. Les 3GC fait que des folies. Eux, tous ceux qui font, c'est pourri. On déteste la police. C'est pour ça qu'on est un poli. On bat ni les bookies. On est Mario Balotelli. Si tu vois 3GC, mets ta chemise pour te tenir à carreau. Faut qu'on continue comme ça, on finira peut-être avec le salaire des taux. Mec, y'a que des jacques. étranger, c'est à l'attaque une équipe de barbares. Si tu testes ou démarres, tu sais pas qu'on pisse pas. Le tasseur c'est colasse. T'as dit quoi toi? Voilà, voilà. Hein les gars, hein, faites un maximum de bruit quand même pour lui. Hein les gars, t'as dit quoi toi? Matonio t'entends ou quoi? T'as dit quoi toi? Vas-y mon poteau. Qui ça? Ouais, DJ, tout est carré, mon poteau. Toi-même, mais tout est carré, mon poteau. Mais tout est carré, mon poteau. Ouais, DJ, je demande le DJ derrière moi. Tout est carré, poteau. Tout est carré, ok. Yes. On est là. Ça bouge pas, c'est carré, mon pote. Mesco. Fleury Mérangis, mon pote. Lulu. Dallo. Nanterre. Oh, t'as dit quoi, les gars? T'as dit quoi, toi? T'as dit quoi toi? Bien sol. Laissez-nous nous vous la mettre. Les LDM à le 9 et le mètre. Laissez. C'est fils de pute au bas. Dans ce bas monde, comment faire manger la mif si c'est pas en volant et dilant? Arrêtez le rap, c'est même vous, vous mettez même au pilon. La tape dure, le malheur de la perquise. J'ai la grosse chité, on m'a jamais acquis. Double face, mon log, mon flot se déguise. Dans le vent, dans mon AKA, on fera la bise. Tu vois, les frères sont déterminés. PLDM, je repasse les terminés. Le début des choses, car on raccourcit. Faut quelque chose, chacun le point du dessus. Retour en effet, pour moi, il est fait. Tu dois bien sauter en tête, brûler les frères. La maman a donc qui j'assiste pas sans effet. Arrêtez vos sorties, brûlez pas vrai. Les jaloux parlent mal et les buts très peu. Les voiles changent la maille même quand il pleut. Arrêtez votre flûte, arrêtez de nous chémant. Mec, la tête musique, ok, les déchets. C'est la dame qui part, on l'a même pas quand j'ai mort. Mais moi, quand on l'a même pas quand j'ai craint, on fait des peu genre. Laissez-nous donc la main, Bernadette, good mafia. GRIGNY, représentant de la belle en mafia. Ose-moi tout son dans ton véhicule. Mec, la 350 particules. La jalousie va que pas des kilos. Sur la pour faire ma baisse de kilo. Laissez-nous donc la main, Bernadette, good mafia. Matricule, la jalousie va que perdre des kilos. Sur la bouche, que comme baisse le avant de la salade, tu tires des tomes. Y'a tellement de terribles pour que j'étonne. On touche le fort malade qui transmet des bactéries. Faya m'a conseillé de faire le mic. J'ai pas de bateau, faut que j'te vise les kibbles. On dirait ta cabine, minuit, 3h du mat. Ça, c'est la deep people. Là où t'as qu'un drogue, c'est un chicken jeep. La sortie était sûre, maintenant surveille tes arrières. Le petit frère Log Jean. J'ai pour mission, pour résister. Le rap du cadre comme un chicken jeep. J'suis venu poser en solo. Je suis toujours en ville, ça n'a pourquoi pas péter le chrono. Je vais la solo. Garde les côtés sans oublier l'une. Je ne suis pas solo. Anoucha à la feu carabe. Si je fais de joie, porte des coraux. Charo Life le top top. Charo Life le top top. Voilà. Ah ouais. Winette, Allen avec Godard. La Niaga, Adolfino. Shaggy Makayabu. Sauvage. DJ Mike One, pull up moi ça, mon frérot. Ouais, Charo Life. Dans les bacs demain, les frérots, allez le chercher. Briggy, Murda, Gucci, on est là dans la maison. Fleury, Bois d'Arcy. Écoute ça un peu. On parle pas de russe, t'as jamais été sur le champ de bataille, frérot. On te connaît pas. Hein, frère. Hein. 2015. Tu sais comment on fait les choses, négro. CVCV, parlez vrai, écoute ça. Hein. Tous mes négros font des fers, ah. Tu nous connais très bien, tu sais qu'on est impliqué dans des trucs noirs. On a fréquenté ce hall, traîné dans ce hall, baisé dans ce hall, mais surtout on a fait du genre, ah. Les vrais mogos de la cité savent de quoi je parle. Quand du CP parle, c'est Greeny Gangsta, ça fait clic clic pas. Raconte pas ta vie, tu dis que t'es plus chaud que nous. On arrive en balle, viens ta pente, choque nous. Nunchaku, pompe Siku, Glock jumeau, on banachako. Originaire de la région des Grands Lacs. Kabila Pierre et Lumumba sur mes bacs. Moi mes négueuses on apprend le maquis. La fleur au fusil pour récupérer ce que les vikings ont volé aux enfants d'Afrique. Soldats prêts à mourir sur les champs de bataille comme Jonas Avimbi. Nous parle pas de russe si t'as jamais mis les pieds sur le champ de bataille. Nous parle pas de russe si t'as jamais mis les pieds sur le champ de bataille. Nous parle pas de rue, nous parle pas de rue, nous parle pas de rue. Vrai, si t'as jamais mis les pieds sur le champ de bataille. Ouais, c'était Juice. C'est la Black Death. La Black Death. La même chose dans tout le studio, s'il te plaît, qu'on puisse en jaillir. Le sang jaillit comme Jaja. Asta Animal réédition. Je passe à tous mes gars en prison. Au TKR, y'a pas de restriction. C'est la Black Death. Ça détaille des microns sur l'avenue, me reprend même mes crayons. J'suis dans la chrysalide ouverte au papillon. J'suis dans la paix. J'm'en fais croiser à la télévision. Ils racontent tous leur vie, c'est des missions. J'ai fait dans mon lit, y'a le même truc à Dylan. J'suis à l'hôtel. D'après toi t'as le bras long, mais t'es vaillant, traite et vite le ballon. C'est comme ça dans mon cycle, j'ai que Angelo. Je lui sers la dope à meilleur qui gros, je l'aimais bien. Du shit, la coque, je ne fais rentrer des billets. Va, je suis Jacques, mais je t'encule ta mère et je presse tes remparts. Sale pute. Tu me vois, je te vois, tu me cherches quand je suis dans le square. Dans le retour, comment veux-tu qu'on s'arrange? Mais comment veux-tu faire du neuf quand elle balance? Comment C'est la blague, je suis dans la baisse ou à l'hôtel. À chaud de la tisse dans ma coupe. Tous mes gars de bâtards sont posés dans le coupé. L'habitude des massales, rien que ça coupe. Un couple la jaune et la verte pour le couplet. Champagne dans le revêt, qui veut crever? C'est la plaque des périls sur périph. En hit dans mon gawa, à toutes les portes, t'es la victime. Si tu t'en prends, tu forces en pour une partie. Mais moi, bavard, quand ça parle, on a passé. La drogue est cachée, qualité première est toujours en sachet. Pourquoi tu me suis, là y'a les Bilzi. T'inquiète, ta course ne bouge pas dans le Lévis. Du genre à Vesky et garde la sans Vesky. Y'a le miel pour les guêpes de ma ruche. HD Coco Coco. C'est méga, je veux pas les autres qui sont dans le bendo. Ma conscience me dit que faut que je kick dorénavant. En vrai, c'est tous les gars de que je représente. Les gros, ça du fou que si je trouve ça gênant. Comme quand t'as pétasse, mais c'est dents. Le plus que c'est de la femme, donc je me sers sa balance. On distribue l'argent comme un présent. Blablabla. Grâce à Animal Réédition, je pense à tous mes gars en prison. Au check, y'a pas de restriction. La blague des. Ça détaille, ça détaille des litrons sur l'avenue Mirebe Ménégrillon. J'suis dans la chrysalide d'ouverture papillon. Dance. Hey, ma gueule. Abif Fif. Allez, hey, dis-leur, on va les baiser. Abif Fif. Hey, ok, hey. J'ai pas pris des coupables. Non, j'ai pas pris des coupables. Oui, je suis tellement de spé qui m'invente même des histoires de Karajika. De Karajika, tu veux être ma femme. Ouais, ouais. Toi, tu pues de la chatte et tu veux que je t'offre l'Italien Pika. L'Italien Pika. Bender. George, W. Bush. Couler le sang comme un boucher. Bah, bah, bah. Il n'y a que les faibles qui sont là pour se coucher. Charlie Delta, c'est Chicago. Bender. Charlie Delta, c'est Chicago. Bender. Chez nous, en période de crise. Ouais. Malaki en ville à cagoule. Ouais. Henry Green, c'est à Kaboul. Bender. Les tartereux, c'est à Bagdad. Bender. Passer place, c'est à Gaza. Avenue, ils braquent même des magasins. Bender, la Bender. Ouais, ouais. 91, c'est Los Angeles. C'est Los Angeles. La PMG, ma forteresse. Wow. Wow. Les corps des faibles sont dans les tombes. Bang, bang, bang. Toi, t'as parlé sur nous maintenant. On prend les heures, hein. C'est pour l'homme, c'est quoi le comble? Imbécile. Si sa femme est stérile, sa pute est féconde. Je traîne avec gros bonnet. Je traîne avec gros bonnet. Je traîne avec gros bonnet. Je traîne avec gros bonnet. Bang, bang. Y'a pas qu'à l'armée qui a des femmes. Des gars. Je suis venu, j'ai vu, j'ai trop connu. Et puis finir sur ce morceau aussi gros bonnet. C'était la guerre ce soir, encore une fois. Ah bah de plus, là, mon gars. C'était la guerre atomique ce soir, voilà, dans le studio. Dis, on avance crescendo. Bon, merci en tout cas, Niska, pour cette belle soirée. Merci à tous ceux qui sont passés aussi y a ce pas soir. Pas de problème, toute la famille est là et te remercie. Merci à Jussipi qui est passé. En tout cas, remerciement à tous les invités qui sont venus ce soir. Ouais. Gros big up à vous. On est ensemble, mon frère. Voilà, voilà. Et loupez pas là, dans les 4-5 heures maintenant, vous aurez le projet si vous l'avez précommandé. Ceux qui l'ont précommandé, ça arrive dans 4 heures et quelques. Et puis demain. Pour les autres, on se donne rendez-vous demain à l'Agora. Donc on ça, c'est Ivry. Fucking CD, putain. C'est à 18h, et puis sinon, ce sera disponible un peu partout. Voilà. On rappelle que le concours, c'est un super concours que tu fais. C'est hein. un super concours, je rappelle le concours. Envoyez-moi vos photos avec le plus de CD ouverts. Et celui qui gagne le concours, Il se barre avec moi en Thaïlande à Phuket. Voilà. Bah, bah, bah. Ouais. C'est le feu, ma gueule. On contrôle la Neuzo. Il y a personne qui bouge. Et puis, voilà, voilà, voilà. Et puis demain aussi. Demain, pas louper le retour dans Planète Rap. Retour dans Planète Rap demain. Je vais rappeler aussi quelques dates pour Niska. C'est à Lyon le 27 octobre au Nikazikao. Le 31 octobre à Bordeaux. Le 4 novembre au Splendide de Lille. 5 novembre à la Cigale de Paris aussi. Pour Niska sur Skyrock. Niska en concert. Et puis ce week-end, t'es du côté de Thionville. Ouais. Ce week-end, je suis à Thionville. Voilà les dates. Gros big up à un poteau à moi, Jigzy et Malik, du 7-7, les métros. On est ensemble, métro, on est ensemble, voilà, on est là. Et www.charo-shop.com. Allez vous taper en charo, habillez-vous en charo. Voilà, voilà, voilà, on est ensemble. Bye bye bye. Merci à vous, juste avant de se quitter, on va faire tourner aussi rapidement la roulette et retrouver D-Fool dans quelques minutes. Ça s'en prononce, Skyrock t'offre le Cosmo Tour près de chez toi. Attrape-moi dans la roulette, la famille. Allô, Angélique, comment ça va? Ça va et toi? En pleine forme? Du côté de Versailles. Écoute, nous, c'était chaud aussi hein, ce soir dans le studio. Je sais pas si t'as maté les images sur le skyrock.fm, sur l'appli aussi pour mater les images. Je connais depuis lundi maintenant. Ah bah ça voilà. Va, ça gère. Niska avec nous et Angélique de Versailles prête à faire tourner la roulette. On y va. Dès que tu veux, tu dis stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi, Angélique. Eh ben voilà, Soprano, le Cosmo Tour, il y a deux places qui t'attendent pour Sopra, c'est pour toi. Ah, merci, merci. Je peux faire une petite dédicace? Vas-y, vas-y, on t'écoute. Dédicace à ma belle-sœur, Louloute, je t'aime fort. Dédicace à tous les militaires de France. Ah, et à mon chéri qui est super loin. Ok, je te fais des bisous, Angélique. Merci beaucoup, merci et à vous. Bon concert, bon Cosmo Tour aussi avec Skyrock, la tournée de Soprano. C'est gentil, merci beaucoup. On te fait des bisous, ciao, passe une bonne soirée. Est-ce que D-Fool et l'équipe est là ou... À ton avis, Fred. Ah, il y a Samy déjà. Il y a Momo qui est là aussi. D-Fool, il est là au téléphone. Ah, il est par téléphone. Yes, il arrive. Mais en fait, il adore commencer l'émission par téléphone, D-Fool. Ça m'énerve. Mais non, c'est un petit peu comme les gens qui appellent chaque soir. Tu veux tester si tout va bien, si on entend bien. C'est ça, il teste le standard. Tu testes le matos. Tu testes le matos. Je teste le matos, oui. Je fais comme vous pouvez nous appeler au téléphone et passer dans l'émission, c'est vrai. Voilà, on va dire que c'est comme ça. Sinon, non, c'est bouché partout, mais j'arrive. Eh ben, c'est bouché dans le couloir aussi de Planète Rap. Donc... Ah ouais, oui, mais je sais, quand je dis que c'est bouché partout, c'est vrai que c'est bouché partout, partout. Bon, ça va bien, Fred? Bah ouais, et toi? Et bah écoute, ça va, j'arrive. Le dernier Niska, c'est demain soir. Demain soir, à pas louper, ouais. Demain, gros freestyle encore de prévu, ce sera entre 20h et 21h, un petit peu avant 20h même. Demain dans Planète Rap, à pas louper. Et demain, c'est la sortie en plus. Et c'est la sortie de Charo Life. Demain soir. Donc, bah écoute, j'arrive, je sors des bouchons. Et puis, on vous attend. Vous n'êtes pas dans les bouchons, vous êtes dans les bouchons, vous êtes chez vous, vous êtes dans vos voitures, vous êtes partout. Vous pouvez nous appeler. J'ai une mauvaise nouvelle pour les Stéphanois. On a perdu 3-2 contre la Lazio. 3-2, putain, j'étais resté au 1 partout, moi. Qu'est-ce qu'il y a, Momo? On s'est volé le match. Aïe, aïe, aïe. On s'est fait voler le match par l'arbitre. Et alors, petite précision. T'as baissé la filière à 9, Fred. Dis full, petite précision du consultant, quand même, Momo, qui dit c'est bête. Voilà, c'était. En effet, Momo, tu as bien raison. C'était important. C'était pour résumer le match, c'est bête. Mais Momo aura d'autres commentaires super à vous faire ce soir. Parce qu'on va suivre le match de Marseille. Ah bah oui. Ah. Et Monaco, ils se sont fait baiser aussi. Hein. Ouais, il y avait un partout. C'est quoi le score final? Non, ils se sont fait baiser un partout. C'est resté un partout. Alors, un partout, un partout. Un partout à la maison et sous la pluie pour contre pour Tottenham. Monaco. Ouais. Très bien. Bon, et puis les Marseillais, alors c'est bien. Marseille et à Bordeaux qui jouent aussi. Ça met une petite crise ou pas ce soir? Crise ou... Écoute, j'ai rarement vu le stade Vélodrome aussi vide. Il y a 10 000 spectateurs seulement, tu vois. Ah, D-Fool fait des jolis bruits. Non, j'écoute la radio très fort parce que j'adore la voix de Samy. Il veut censurer quand on parle de l'OM. Qu'est-ce que tu as dit, Samy? Non, j'ai dit. Tu vas monter la radio. Vous voulez parler de l'eau quoi? De l'OM, gros. Ah, l'OM. Ah, l'OM. Non, bon, je disais, écoute, le stade, il est vide, ouais, 10 000 personnes. Bon, en tout cas, Skyrock, c'est bien plein. Moi, je vais essayer d'arriver, là. De pénétrer dans la radio. T'es où? T'es en bas, là? Ouais, je suis juste en bas. Ouh, bon, allez, c'est bon parti. Courage. C'est bien, écoute, merci, Fred. Les derniers bouchons, en fait, c'est dans les couloirs de Skyrock. Bon, écoutez, merci à vous. Et puis, on vous attend, vous pouvez nous appeler tout de suite. Nous, on arrive. À tout de suite. À toutes. À toutes. Ciao, ciao. Skyrock, 6h-9h, premier sur l'iPhone 6.